Est-ce que je démissionne? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut penser? Serait-ce une histoire? Serait-ce... Et puis voilà la fin. Oh, pas de regrets, pas de soucis, pas de rien. D'ailleurs, que s'est-il passé? On n'en sait rien, on sait strictement rien. Strictement rien. Que faut-il comprendre de tout ça? Que faut-il comprendre de tout? Que faut-il? Et puis, rien. Et puis le vide au fond, tout c'est rien, tout c'est, tu sais, tu sais, tout c'est, tout c'est, tu sais, tout c'est, tu sais, tout c'est, mais que faut-il y voir là-dedans? Que faut-il y voir de bien? Que faut-il y comprendre? Il fait froid des moments et la chaleur te prend, oui, des fois, mais le plus souvent c'est froid. Le plus souvent c'est froid. Que faut-il comprendre de tout ça? Que faut-il y voir? Que faut-il y comprendre de tout ça? Que faut-il y voir? Y voir, y voir, y voir, y voir. De là-bas, ce pays, la côte. Oh, y voir, côte. Y voir, et puis après, prendre des thunes et perdre sa vie, virginité, sa vie, virginité. Et perdre des thunes, et perdre du sang, et perdre du sang, et perdre du temps, et perdre du sang, et perdre du temps. Que faut-il y voir? Que faut-il y croire? Que faut-il de ce... de cette... de celui... de celle... de tout ça? Et puis après... où c'est qu'on est, où c'est qu'on va? Que faut-il y croire? Que faut-il y vivre? Que faut-il y penser? Que faut-il y penser? Penser, penser. Que faut-il y penser? Penser, penser. Que faut-il y penser? Penser, penser. Que faut-il y vivre? Que faut-il y croire? Que faut-il? Tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, tout ça, est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quoi? On n'en sait rien. On est bien perdu là, dans ce monde là, dans ce cosmos infini, dans ce univers, les vers unis, vers qui, unis, infinis, sans début, sans fin, sans retour, sans rien, plus savoir où l'on vit, car où c'est que l'on vit, quand on se déplace, les vitesses vertigineuses, vertigineuses. puis on se perd, et puis on ne sait plus que faire. On s'y perd, à tout ça. En tout ça, dans tous ces lieux-là, tous ces lieux-là, tout ce que l'on nous dit tout le temps, là, tout ce qu'on nous raconte tout le temps, là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, mensonge, aveuglement, paranoïa, parapluie. Il faudrait un parapluie pour ne pas recevoir justement toutes ces propagande, tout ça. Ah, si l'on savait tout, on ne serait pas là à se morfondre. On ferait quoi? Ou alors, à trop savoir, ça tue. Peut-être ça, qu'on sait peut-être trop et qu'au fond, ça nous tue. De trop savoir, on ne vit plus. De trop savoir, on ne vit plus. De trop savoir, on est en s'atténue. De trop savoir, on ne vit plus. De trop savoir, on s'atténue. De trop savoir, on ne sait plus. Ce qu'il faut penser de nous, de soi, de qu'est-ce qu'il faut faire. Au fond, ça nous bloque de trop savoir tout ça. C'est peut-être ceux qui ne savent rien, qui en font le plus.